Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Et oui, encore cette semaine, vous êtes pognés avec Daniel à l'animation parce que JB n'est toujours pas revenu. T'as un sans-cœur. Oui, on va se le dire, là. C'est juste ça. Là. Ouais, ouais. Ben non, c'est pas vrai. Il y a quelque chose d'imprévu, puis comme tout bon gars, c'est sa femme qui run sa vie, donc il y a de la visite, puis il peut pas être sur le show, c'est tout, mais on va faire semblant qu'on l'aime pareil, là. C'est ça. Non, c'est ça. Il est pas sans cœur. Il a un petit cœur. Ouais. Mais ça, il porte les culottes, mais c'est sa femme qui dit quelle couleur qu'il va porter. Ouais. C'est fait ça. Que vous aurez reconnu quelqu'un qui connaît JB dans son intimité, c'est-à-dire Luc. Oui, toujours. Toujours moi qui parle toujours avant de me faire présenter. Bonjour tout le monde. Salut. Oui. Salut Luc. Et on a quelqu'un qui parle pas. Non. Mais qui est là quand même. Oui. Et... J'ai la force silencieuse. Oui, oui, oui, tout à fait. En fait, t'es comme le niveau de crédibilité du show, je pense. Ah. Dans ta force silencieuse. Ouais, quand il parle pas, ça veut dire que le niveau de crédibilité est nul. Il y en a pas. Ouais, c'est ça. Fait que quand c'est une 2, c'est comme fermer vos écouteurs, puis ouais. C'est ça. C'est comme le meilleur film au cinéparc présentement, fermé pour l'hiver. Il revient chaque année, il doit être bon ce film-là. Oui, oui, oui, absolument, absolument. Mais vous aurez reconnu Jonathan qui était avec. Bonjour. Remis de ta grippe? Hein? Remis de ta grippe? Ben non, il est encore là, tu rimes. Parce qu'à la semaine passée, je toussais aux 2 minutes. Je faisais... Donc, tu vois, c'est pas cool, hein? Non. C'est super agréable dans un micro. Ça fait beaucoup d'éditions à enlever le à chaque 2 minutes. C'est ça. Non, c'est pour comme, ça que... C'est comme ouais. Pénible. Ouais, c'est bon. Cette semaine, on a chacun un sujet. En fait, on va vous parler de deux jeux. Un jeu avec des chiens, mais pas de chiens, mais un petit peu de chiens. OK. C'est ça. Wow, okay. Je vous le dis. Un chien qui regarde, mais qui regarde pas, mais qui regarde d'autres chiens qui sont pas des chiens. C'est ça. Who lets the dogs out the game? C'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. On va aussi se plonger dans l'univers de Final Fantasy, mais pas avec Final Fantasy XV. Pas encore. Non. Non. Je peux en parler un peu. Non, je dis pas encore. OK, c'est bon. Mais juste de même, là, Final Fantasy, le premier, c'était supposé être le final, selon le titre. Comment ça que ça roule encore? Ça? Ben, c'était... ça finalise longtemps, me semble. Ben, quand tu regardes l'histoire de la franchise, c'est que en fait, c'était la dernière chance de Squaresoft à l'époque. Fait que si ça marchait pas, ben la clé était dans la porte. Okay. Fait que c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Final Fantasy. C'est notre dernière fantasy, sinon bye bye. Fait que finalement, ben, je pense que ça a marché. Fait que Luc. Oui, toi. J'écoute, oui, moi. Toi, là, tu vas nous parler d'un truc qui donne l'heure. Oui, oui, qui donne l'heure. Qui fait pas tic-tic, qui est accroché après mon poignet. Je vais vous parler de ma montre Casio que j'ai payée 8,89 sur eBay. Il y a quelques semaines. T'as-tu une petite lumière si tu pèses sur un piton à côté? Non, non, elle est vraiment cheap, la montre, elle n'a même pas de lumière dessus. Non, non, c'est pas vrai. Je vais vous parler d'une montre que j'ai gagnée pendant un concours. Oui, oui, moi qui participe à 0 concours. J'ai gagné une montre sur le blog de notre ami Stéphane Vaillancourt, aussi connu sous le nom du Technophile, qui anime aussi un podcast très peu connu sur la photographie. Donc, c'est ça, j'avais gagné cette montre-là, puis je me disais, un jour, il faudrait bien que j'en parle, et ce jour est arrivé. Ben oui, et que je... oui, oui. Vous allez voir, ça donne un peu plus que l'heure, là. C'est le fun. Ça fait plus. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est ça. Mais d'ailleurs, parlant de dépenses et de... Luc, tu nous en avais déjà parlé là, dans un show précédent. T'as essayé d'avoir Skylanders Imaginators moins cher. Oh, moins cher, presque donné. Oui, presque. Ben oui. Mais finalement, je pense pas que tu te l'aies fait donner. Non, finalement, ça incluait... ouais. Donc... C'est ça. Je suis très frileux quand j'achète sur eBay parce que et autant et sinon un peu plus quand j'achète sur AliExpress. Amazon, normalement, tu te dis, bon, c'est Amazon, les gens qui sont là doivent être vérifiés, un peu sérieux, mais non, il y a aussi moyen de se faire passer un assez large sapin par un endroit que peut-être vous voulez pas avoir un sapin, mais c'est ça. J'ai c'est commandé. Oui, j'avais commandé Jingle Bell, Jingle All the Way. J'avais commandé une version de Skylander sur Wii U. C'était là. Puis le gars avait plusieurs choses dans son magasin. Mais tu sais, tout à des prix quand même assez dérisoires. Là. Quand tu vends un Gears of War 4 à 20$, tu dis, il y a peut-être anguille sous roche, ou peut-être même qu'il n'y a plus assez de roche cachée sans anguille. Mais donc, j'ai commandé pareil, c'était 10$ plus 12$. Je me suis dit, advienne que pourra. 10$ pour le jeu, 12$ de livraison. Et puis, advienne que pourra. Fait que je passe la transaction et tout ça, et pas de nouvelles, jamais du tout. Donc, la date de livraison est venue, c'est passé. Et puis, comme le Père Noël à Noël ne m'a rien laissé parce qu'il n'y avait rien, je l'ai poursu. Donc, j'essaie de communiquer avec le vendeur en disant « Hey, excuse, buddy, c'est parce que j'ai payé 12$ de shipping. » Là, j'ai gardé pour moi que c'est ouais, mais le jeu vaut 10$ hein, quand même. Ça valait la peine pareil. J'aurais pu attendre un mois de plus. Mais j'ai payé 12$ de shipping. Je m'attendais à le recevoir à la date prévue. Et puis, j'ai reçu un merveilleux email d'Amazon dans ma boîte de courriel qui disait « Merci pour votre message à ce vendeur, mais il a décidé de quitter la plateforme Amazon. » On ne sait pas pourquoi. Regardons, c'est parce que tu as vendu tout ton stock que tu avais sur Amazon à des prix dérisoires et tu as pris l'argent et l'argent de shipping et tu t'es sauvé dans les Bahamas. Donc, c'est ça. Fait que finalement, petite histoire longue, courte, le gars a pris l'argent de tout le monde et est parti. Mais moi, je m'en doutais un peu. Là. Je l'avais dit la semaine passée, c'était trop beau pour être vrai, puis galadienne que pourra. De toute façon, Amazon, eBay et AliExpress ont tous des systèmes où sont un peu responsables de qui vend du stock sur leur plateforme. Donc, si par hasard, tu te fais passer un sapino, pas le sirop, là, vraiment un sapin, et puis ils te remboursent. Donc, j'ai contacté le support d'Amazon, qui m'a légèrement fait suer dans les derniers temps, là, mais bon, quand même. Pour ça, j'ai communiqué, je regarde, j'essaie de communiquer avec le vendeur. Ça me dit que le vendeur n'est plus là. J'ai reçu mon paquet. Là, je donne le numéro de commande. Elle dit « Ah, merci d'avoir clarifié le numéro de commande. C'est bon, j'ai ouvert une demande de remboursement, un litige pour vous. Et puis, vous devrez avoir une réponse sous peu. » Et pendant que je chattais avec elle, j'ai eu la réponse dans mon courriel qui disait « Votre demande a été acceptée. Un remboursement de 23$ a été émis sur votre carte de crédit. » Ah ben. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai pas eu mon jeu. C'est ça. J'ai quand même re-eu mon argent. Donc, soyez prudents, même sur Amazon. C'est vraiment le dans les faits, dans ce long message d'amour et de fraternité. Je veux juste vous dire, faites attention, même sur Amazon, vous pouvez vous faire passer un sapin, les boules, le Père Noël qui est assis au bout, toute la patente. L'étoile, l'étoile peut être un petit peu douloureuse. Là. Surtout que moi, j'ai un grand Père Noël avec les bras étirés vers les côtés. Là, ça accroche un peu. Mais donc, tu sais, faites attention, même sur Amazon. Regardez la réputation du vendeur. Regardez ça fait combien de temps qu'il est là. Regardez s'il y a d'autres articles à vendre. Moi, il y avait plein d'articles à vendre, mais j'ai pas été voir sa réputation parce que c'était marqué nouveau vendeur sur Amazon. Regarde, tout le monde commence à quelque part. Et puis c'est drôle parce que pendant que je faisais ma réclamation, je suis allé voir toutes les critiques des autres gens, puis c'était toute une étoile. Ce gars est un crush. Ce gars a pris mon argent, j'ai jamais rien reçu. Je me dis, hey, high five, on est tous pareils. Fait que c'est ça, mais moi, je me suis fait rembourser. Il y en a un qui disait, Amazon m'a eu sur ce coup-là. Non, Amazon n'a rien à faire là-dedans. Amazon offre une plateforme de vente comme eBay et tous les autres. Sont quand même responsables. Il dit, et j'ai perdu mon argent. Mais c'est parce que, gars, Ticlin, si tu parles à Amazon, Amazon va te rembourser. Donc, si c'est toi, le Ticlin, qui avait dit ça sur Amazon en anglais, well, buddy, contact Amazon and Amazon Zone will reimburse you. juste que ceux qui écoutent. Fait que c'est ça. C'est mon aventure avec acheter une version très, très pas chère de Skylanders. C'est ça. Mais que finalement, j'ai gardé ma copie que j'ai achetée à 44. J'attendais de recevoir l'autre avant de retourner celui que j'ai payé moins cher, pareil, tu sais. Mais ouais. Ouais. Mmh. Fait que ça va être sur Xbox One, finalement, pour 45$, si tu veux. Good, good. Ben, pas good. J'ai mais, quelques c'est... petits trucs parce qu'il s'est quand même passé une couple d'affaires dans l'actualité. En fait, bon, au-delà de la bande-annonce de Gardien de la Galaxie 2. Groot, es-tu assez mangeable? Ah, oui. J'en veux un. Ben, non, mais écoute, c'est clair qu'ils vont te faire un paquet de dérivés avec, comment tu peux appeler ça, Teenage Groot? Oh, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ben là, c'est Baby Groot. Ah, oh, il est cool. Cool. C'est sûr qu'ils vont faire. En tout cas, bref, je pense que ça va marcher. Là. Déjà, puis, l'autre Groot. On a vu Baby Groot pendant 4 secondes et quart dans la fin du dernier film. Puis ils ont sorti 12 millions et demi de produits dérivés. Fait qu'imagine-le, ouais. Vu que c'est une figurine officielle. Ouais, c'est ça. C'est le pire, c'est dans BD, Groot, il est pas vraiment cute, là, mais en tout cas. Non, mais non, c'est ça. Mais tu sais, ça reste que la bonne annonce est assez. Assez hot. Oui, ça va être bon. J'espère vraiment que James Gunn a réussi à suivre, tu sais, le tempo, puis l'humour, puis l'espèce de dérision qu'il y avait dans le premier. Où ce que, tu sais, c'était... J'espère que ça va rester pareil. Là. Mais la bande-annonce augure très, très bien. Oh que oui. Fait que, mais non, dans le fond... Shut up and take my money. Ben d'ailleurs, parlant de shut up and take my money... Il y en a beaucoup qui ont donné leur argent sur deux jeux récents. En fait, Nintendo a annoncé que Pokémon Sun and Moon, dont j'ai parlé la semaine dernière, lors du dernier show, s'est vendu à plus de 3,7 millions de copies juste en Amérique du Nord et en à peine deux semaines. Ouais. C'est pas pire. Ouais. Ça, j'ai une petite... fini ton histoire, un petit coup de test envers Nintendo pour justement Pokémon Sun and Moon, mais continue puis j'en parlerai après. Ben, en fait, au niveau de Pokémon Sun and Moon, c'était ça. Là. Okay. Non, c'est parce je comprends pas, puis je n'ai parlé l'autre jour sur, je pense que c'est sur Facebook, je sais pas si j'en ai parlé sur le show, je comprends pas comment ça se fait que Nintendo est la seule compagnie qui a le droit de faire de la publicité déguisée à un poste pour enfants. Comment est-ce qu'on peut faire semblant que le vendredi à 19h, on te fait un mini-magazine qui parle de... C'était Yo-Kai Watch, puis là, présentement, c'est Pokémon Sun and Moon avec un gars qui clairement te vend une publicité d'un jeu qui est sorti ou qui va sortir. Mais au Québec, on n'a pas le droit de faire de la pub pour des jouets sur un poste qui est fait pour les enfants. Il y a une loi contre ça. Comment ça se fait que ça réussit à passer? Parce qu'on fait semblant que c'est un magazine et non pas une pub? Je la comprends pas. Je sais pas trop de quoi tu parles. Hein. T'as jamais vu... Écoute Télétoon le vendredi, puis t'as une espèce de gars qui parle à son flamant rose, puis là, c'est comme c'est une infopub, là, c'est clairement aide-moi à attraper, à choisir quel Pokémon je vais prendre dans les nouveaux 3 Pokémon qu'il y a dans le jeu Pokémon Sun and Moon, puis là, ils sont tellement cool, puis là, mais c'est une pub, mais ils passent ça comme un mini-mag. Ils avaient fait ça avec Yo-Kai Watch. Ils font ça avec Pokémon Sun and Moon. Mais tu sais, ils en profitent par la bande. J'imagine que c'est un jeu de... On s'est assis avec les avocats, puis on regarde jusqu'à quel point qu'on a le droit. Parce qu'à la fin, ils disent « Ne manquez pas d'écouter les aventures de Sacha et ses Pokémon à Télétoon tous les samedis. » Ouais, on pousse. Tu sais, fait que c'est un peu là, vraiment par la bande. Là. C'est comme on est limite d'être capable de... d'être légal selon les règles de la loi. Mais tu regardes un poste comme Canal Vie présentement, l'autre jour, il y avait une pub carrément d'un jouet pour enfants. Une affaire de, je sais pas, c'était pas un château de princesse ou de ma petite pouliche ou je sais pas trop quoi, là. Mais c'était carrément une annonce pour enfants. Mais là, tu dis, OK, t'es pas un poste qui cible les enfants. Là. Je pense pas qu'avec ça au défi, c'est vraiment quelque chose que les enfants vont écouter. <t'sais>. Donc, non. T'sais, genre, je pourrais inscrire mes parents là, puis peut-être que j'aurais deux fois des jouets à Noël. Mais tu sais, fait que c'est pas vraiment ciblé pour les enfants, là, puis Chantal Lacroix, puis peu importe ce qu'il y a à Canal Vie, c'est pas ça. Fait que, mais quand tu sommes à Télétoon, oui, fait que là, on fait ça un peu différent. Fait que je trouve juste, soit qu'il y a quelque chose qui a changé dans la loi, ou soit qu'on joue vraiment la game de, bon, ben, jusqu'à quel point qu'on est capable de pas passer ça pour une pub, mais passer ça comme un magazine, tu sais. Ouais, OK, je comprends. Mais c'est carrément une pub, là. C'est clairement ça, là. N'empêche que, peu importe, mais je pense pas que c'est ça qui a fait vendre 3,7 millions, là. Non, c'est clair. Oui, c'est clairement ça. Mais c'est clair que ça, c'est clair que ça l'a pas nuit, par exemple. Parce que mon gars a vu ça, il dit « Ah, je le veux à Noël. » Ah. Ouais, non, je comprends. Succès mais, déverrouillé pour Nintendo. Mais ça vaut la peine quand même. Là. Ah, c'est ouais. des bons jeux. Mais, tu sais, puis je regarde sur Twitch, là, puis, tu sais, là, il y a comme une quête pour attraper les shiny Pokémon, là, puis c'est assez... c'est très long dans Pokémon Sun and Moon de pogner les shiny. Il faut vraiment que tu veuilles les pogner. Mais si t'en pognes, mais... tu le trempes dans l'huile, puis tout, il vient shiny, ça compte-tu? Non? Non, faut que tu le passes à la machine pour serrer le char, là. OK. Hey, mais Luc, c'est quoi, j'essaie, mon Pikachu? Attends, ton histoire m'a fait penser à quelque chose par rapport à Nintendo, puis par rapport à jouer avec les termes. Je suis allé, tu sais, pour la fameuse petite NES Mini. Donc, à chaque fois que je vais dans un magasin, je demande s'il y en a. Tant qu'à faire. Oui. Fait que là, je suis allé au Microplay. Là, j'ai dit, n'avez-vous? Il dit, non. Il dit, de toute façon, tu sais, toutes celles qu'on va recevoir sont déjà réservées. Là, je fais, OK, vous prenez les précommandes. Ben ouais, depuis le mois de juillet août, là, quand c'était annoncé. Ah, mais j'ai dit, il me semblait que c'était annoncé qu'il n'y avait pas de précommande, tu sais. Il n'y avait pas le droit à aucun magasin de faire des précommandes. C'était vraiment vrai, tu sais. Ouais. Il dit, ouais, mais nous autres, c'est pas une précommande, c'est une liste d'attente. Je fais, okay. Tu dis, ça veut dire que depuis le mois d'août, j'aurais pu venir ici et me mettre sur la liste d'attente? Ben ouais. Oui. Je fais, ben voyons donc. Ouais. Fait qu'ils ont joué sur les termes. Y a-tu pu te rajouter sa liste d'attente? Oui, je suis 70e. Il en reçoit genre 2-3 par semaine. T'sais. Mais fait que c'est ça. Il dit, ben oui, si tu veux être sur la liste d'attente. Il dit, là, la liste d'attente, elle a gonflé quand la NES Mini a sorti. Mais avant ça, il n'y avait quasiment personne. Je fais, ben, voyons. Tu sais, ce n'est pas des précommandes, c'est une liste d'attente. Fait que quand on en reçoit une, on t'appelle. En tout cas. Mais ça, c'est quand même pas Nintendo. C'est le magasin qui a joué sur les termes. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, c'est parce que tu n'avais pas le droit de précommande. Donc, tu n'avais pas le droit de faire, tu sais, de débourser un montant pour te la réserver. Mais eux autres, ils te la réservent sur une liste puis ils t'appellent. Ouais, de toute façon, il aurait pu faire des précommandes sans dépôt. Puis si la personne dit, la console arrive, puis la personne dit, ah non, finalement, je veux pas. Next! Ouais, non, finalement, j'avais trop tard. Tu as dit non. Ah ouais, chez vous. c'est ça. Tout. C'est jouer sur les mots. C'est ça. Tu as pris deux respires au lieu d'un avant de me répondre. Out. Next. Out. Non, c'est ça. Puis il y a du monde sur eBay qui vendent ça. Mais justement, fini, Dan, je vais revenir là-dessus. Oh, ben, tant qu'à être dessus, je vais y aller. Hey, tu savais-tu qu'il y a du monde sur eBay qui ont fait des enchères sur la boîte uniquement et qu'il y a du monde qui veulent payer 41$ pour une boîte et les inserts à l'intérieur pour la NES classique? Cool! Il y a des enchères. Il y a du monde sur eBay qui vendent la boîte uniquement. Okay. Fait que je regardais tantôt, là, je regardais pour autre chose, puis parce que j'ai eu le malheur une fois dans ma vie de voir si sur eBay il y avait des NES classiques, ben là, arrête pas de me montrer des NES classiques. Et puis il y a plein de monde qui vendent la boîte uniquement, puis c'est marqué là, boîte uniquement, puis c'est marqué vous l'enchère est pour une boîte seulement. Là, il y en a une vraiment une 239$ pour une NES classique, si vous en voulez une là. Une vraie, pas juste la boîte là. Mais il y a la boîte uniquement. C'est je peux pas comprendre qu'il y a du monde. Vous allez faire quoi avec la boîte? C'est un cadeau de Noël pour votre chat, tu sais, parce qu'on sait que les chats aiment ça, les boîtes là, mais c'est-tu vraiment ça, là? Vous voulez acheter une boîte d'NES classique parce que votre chat, c'est un chat geek? Ils vont pogner quelqu'un, une maman ou une grand-mère qui veut faire plaisir, puis que beau, c'est beau, elle est écrit boîte en gros, mais elle le verra pas, puis elle va faire 40$, elle va avoir son boîte vide, puis elle va dire, ben, t'as acheté une boîte, madame, c'était écrit. C'est marqué dessus, puis ou la madame qui dit, mais la console n'est pas disponible, mais mes petits-enfants vont tellement être heureux de recevoir la boîte en attendant de peut-être avoir la vraie chose d'ici 4 ans. Tu y cites, il y a un champion, là. NES Classic Edition Nintendo Box. Gag Gift, OK? Fait que c'est vraiment... Ton enfant, là, est super heureux parce qu'il déboîte le paquet. Puis là, il voit NES Classic. Puis là, tu vois la joie dans ses yeux. Là, c'est comme, il est tellement heureux. Puis là, il rouvre la boîte. Puis il dit, ouais, mais papa, il y a juste des cartons. C'est une joke. Puis c'est la meilleure joke. C'est papa, il a payé 179,55 plus 31,25 de shipping pour t'amener ça ici. T'es-tu content, Jean-Guy? Jean-Guy? Je sais pas. Ouais. Juste de même, là. Mais okay, tu sais, Mais vraiment, c'est pas faux ce que je vous disais. Là, c'est un vrai. Là, c'est une enchère où le bid, le montant que le monde ont mis dessus pour enchère, c'est 1,32. Il y a zéro bid. Ça commence à 1,32. Mais le achetez-le maintenant, il est à 180$. Pour la boîte. Là. Pour la boîte. Fait que le gars l'a payé 80, mettons, s'il était au Canada. Là. Il est aux États-Unis, fait qu'il l'a payé 49$. Parce que notre argent vaut rien ici. Fait qu'il vend ça, il fait à peu près trois fois le profit juste en vendant en boîte, puis il garde la console. Sauf que si je m'en trouve une, puis que je vois que les boîtes se vendent, je vais-tu en vendre ma boîte? Ben oui, c'est sûr, mais on s'entend-tu qu'il faut que tu sois cruche, ouais, pour vouloir acheter une boîte vide? Tu vas faire quoi? Moi, je voulais juste dire 15 secondes que Pokémon s'était bien vendu. Tu vois comment ça dérape ce show-là? C'est incroyablement du n'importe quoi. Ben, pis là, je vais en dire un autre, fait que chut, ok? Là, je vais juste la dire, ça va prendre 10 secondes. Moi, ben, je suis prête. Ah ouais. On vous a un peu parlé de Final Fantasy XV, mais Square Enix aussi a dit que c'était parmi les plus meilleures ventes. En tout cas, le jeu se serait vendu à beaucoup d'exemplaires en très très peu de temps. Ça serait un des meilleurs lancements de la franchise Final Fantasy jusqu'à date. Je suis content parce que rappelez-vous que ce jeu-là a été annoncé il y a plus de 10 ans. Ouais. Fait que ça fait quand même très longtemps. À l'époque, les iPhones n'existaient pas quand ça a été annoncé. Fait qu'on avait beaucoup de craintes. Puis finalement, ben, il semble que ça pourrait être un candidat au jeu de l'année. Donc, je suis bien content pour Square Enix. La seule affaire, juste un petit bémol, quand vous voyez ce que Square Enix a annoncé au niveau des ventes, c'est le nombre de copies envoyées en magasin. C'est pas le nombre de copies vendues direct au consommateur. On fait ça aussi avec la musique, là. Ah, tant de copies vendues. Non, tant de copies livrées. C'est pas la même chose. Non, c'est ça. Il y a de la demande au niveau des détaillants, ça, oui, mais on n'a pas de chiffre exact à savoir combien qui a été vendu directement au consommateur. En réalité, ils sont vendus pour la compagnie parce qu'ils vendent au magasin. Oui, ils sont vendus pour la compagnie. Pour lui, ils sont vendus. Pour Square, c'est un profit. Là, je veux dire. Ils ont vendu les copies. Oui, je l'ai commencé, puis il est très bon. Tu veux pas que j'en parle? Là? J'en parle pas. Je suis pas en train d'en parler. Non, t'en parles pas. Ouais. Mais j'en parle pas, mais il est bon. Non? Puis on fera pas 10 minutes sur le fait que t'en parles pas. Non, ok. Non, mais faut dire aussi, il annonce les meilleures ventes à vie de la franchise, mais faut dire aussi, Final Fantasy, si je me rappelle bien, ça a été souvent console spécifique, là. Fait que, à un moment donné, c'était juste sur PlayStation. Le premier, je pense, c'était juste sur Nintendo, sur la NES, Super NES, NES. C'était pas mal juste ça qui est disponible aussi. Après ça, ils ont été sur PlayStation uniquement, mais là, ils sont sur à peu près toutes les consoles. Ça dépend du Final Fantasy. Celui que je vais faire la critique aujourd'hui, c'est Vita PS4. Là, ils en sortent des fois, c'est juste 3DS. Ils en sortent des fois, c'est juste PS Vita, tu sais. Ouais. Le Final Fantasy XV, il est disponible sur toutes. Tu vas sur Xbox, PS4, PC aussi? Je suis pas sûr. Non, mais tu sais, fait que t'as une plus grande possibilité que les gens achètent ton jeu, donc c'est sûr que tu vas avoir des meilleures ventes que la version que tu vendais juste sur une console spécifique. Ouais, c'est sûr. Je me dis pour un jeu qu'on avait beaucoup de craintes, qui a été annoncé il y a très longtemps, qu'on se dit justement est-ce que ça aurait dû être un jeu qui aurait dû sortir il y a longtemps, ben je suis content de voir que ben finalement ça a répondu aux attentes et même que ça les a surpassés. Petite anecdote drôle. On le sait que Konami passe dans le tordeur depuis quelque temps. En fait, c'est une compagnie que moi, je prédis comme étant peut-être un futur THQ. Parce que beaucoup de franchises dans le passé, et là, il reste plus grand-chose, je dirais. Tu sais, Castlevania a été notamment relégué aux oubliettes. Et Guillermo del Toro est très proche de Hideo Kojima. Ouais. Et comment il s'appelle? C'est quoi son nouveau jeu? Last Stranding, je crois de même? Le monde qui saigne des yeux. Là. Ouais. Puis en tout cas, ça a l'air assez particulier comme univers. Mais Guillermo del Toro, si je me souviens bien, collabore à ce jeu-là. Ou en tout cas, est très proche de Hideo Kojima. J'ai l'air de dire quelque chose de chiant en disant « pour le moment », parce qu'il est connu pour dropper à peu près tous les projets qu'il commence à travailler dessus. Ben, mais il en drop pas mal. Il est comme « Guillermo del Toro est associé à ce projet. » Guillermo del Toro n'est plus associé à ce projet. Associé à ce film, n'est plus associé à ce film. Ouais, c'est ça. Fait qu'il est, il est mettons qu'il est en un petit peu comme le monstre à la ronde. C'est un petit peu une montagne russe sa carrière. Mais pas l'air. Regarde, on verra. Mais Death Stranding. Tout ça pour dire que lors des vidéos Game Awards qui ont eu lieu récemment, où Overwatch a été couronné meilleur jeu de l'année, Del Toro est allé d'une affirmation assez simple aux auditeurs et à l'ensemble des joueurs et de tous ceux qui regardaient. Il a dit simplement « I have a simple thing to say, fuck Konami. » Bip! Hop, j'ai fait le bip au mauvais endroit. Excuse. M'excuse. Mais de toute façon, le nombre d'affaires qui s'est dit dans ce show-là. Ah, mais okay. De toute façon, c'est les mots vraiment de Guillermo Del Toro. Okay. Oui, c'est drôle. Ça a duré 5 secondes, ben j'étais comme « Oh, ben écoute, on peut pas y reprocher de pas être direct. » Non, il est au point, c'est comme... Ouais. Fait que, mais évidemment, ça doit être en lien avec le traitement que Kojima a eu de la part de Konami. Konami, comme je disais, a perdu beaucoup de plumes, puis ça, ben, je dis pas que à quel point est-ce que Del Toro va avoir une influence, je sais pas, mais en tout cas, je pense... C'est pas du monde invité au même party. Et dernière chose, je vais vraiment passer vite là-dessus. Il y a eu le PlayStation Experience. Je sais pas si vous l'avez vu, l'avez suivi. Non. J'ai suivi beaucoup de les bandes annonces que j'ai écoutées, puisqu'ils en ont laissé aller plusieurs. Là. Enfin, j'en ai vu pas mal. Ben, ça m'a étonné. Il y a eu vraiment beaucoup d'annonces. Puis, c'était quasiment trois. Oui, ben pour Sony. Oui, c'est ça, pour Sony, oui. C'était vraiment intéressant. En fait, juste vous dire, là, parmi les jeux qui ont été dévoilés, il y a eu confirmation, ça fait très longtemps qu'il y a eu des rumeurs là-dessus, de The Last of Us Part 2. Ouais. Fait que ça s'appelait comme ça, puis ça va mettre en scène une Ellie qui est maintenant âgée de 19 ans. Et j'ai regardé des informations par rapport à ce que où le jeu s'enligne. Directeur scénaristique a dit que le premier jeu était plus au niveau de l'amour, le second va être au niveau de la haine. Donc, et d'ailleurs, on le voit un petit peu, là, Ellie est assez en maudit contre on sait pas quoi. Fait que, mais c'est à suivre. Il y a eu aussi Ni no Kuni 2 qui a été confirmé, ça j'ai bien hâte. Oui, c'était bon, le premier était bon. Oui, c'était très bon, le premier. Vous avez eu Marvel vs. Capcom Infinite, qui a été annoncé aussi, qui va être Marvel vs. Capcom 4, et où tu vas pouvoir utiliser les Infinity Stones pour modifier les combats. Donc, ça aussi, j'ai bien hâte. D'ailleurs, Captain Marvel a été confirmé avec beaucoup de personnages aussi qui vont venir et ça va être des combats 2 contre 2 et non plus 3 contre 3 comme dans les précédents. Marvel vs. Capcom. Qu'est-ce que d'autres? Ah, il y a eu Uncharted The Lost Legacy qui a été confirmé aussi, qui va mettre en scène deux autres personnages. Nathan va peut-être être là, mais ça va être deux autres personnages qui ont déjà été introduits dans la franchise qui vont être mises de l'avant, parce que ça va être deux femmes. Sinon, Crash Bandicoot aussi. Ça, j'ai des craintes un petit peu parce que on semble vraiment vouloir faire des versions remasterisées des trois Crash qui ont paru à l'époque, mais c'est un gameplay qui est assez limité. C'était pas... C'était pas aussi évolué qu'aujourd'hui. Ça peut être un... Non. Ça peut être plate un peu. Puis j'ai hâte d'avoir... parce que, en tout cas, de ce qu'on a montré, ça semble très beau, très, très fou aussi comme univers. Mais j'ai hâte d'avoir au niveau du gameplay, ça va être limité. As-tu eu d'autres jeux? Je crois pas, là. Il y en a eu tellement. Moi, les gros, c'était ceux que tu as nommés, là, que j'ai retenu, là. J'ai retenu qu'il n'y a pas eu beaucoup de VR. Ça me... Non, en effet. Ouais, ça m'a un peu déçu. Ils ont mis, ben, je sais qu'ils ont remontré Resident Evil pour le VR. Ils ont parlé de aussi une nouvelle vidéo de Horizon Zero Dawn, que ça a l'air vraiment bon. Ça, j'ai vu ça comme nouvelle vidéo. À part de ça, j'ai vu une mémoire, c'est pas mal ça là. Fait qu'est-ce que le VR, c'est le prochain PlayStation Move? C'est-tu déjà comme mort ou c'est je pense pas que c'est mort parce que tu vois, ils en ont profité pour montrer justement du gameplay du VR, le Battlefront, mais la portion VR. Mm-hmm. Il va y avoir un update là, quand que le Rogue One va sortir. Tu sais, le film dont tu as acheté des billets à l'avance. Donc, il va sortir un mode VR pour Battlefront. Ça, ils en ont parlé. Mais je sais pas, je pense pas que ça va devenir le move, mais j'espère qu'ils vont pousser. Parce qu'à date, tu sais, il y a beaucoup de jeux, mais il n'y a pas de grands jeux. Je pense que c'est Resident Evil qui va mettre la table à ça, si ça passe ou ça casse. En tout cas. Je pense, parce que là, ça a l'air d'être vraiment un jeu le complet VR. Là. Puis FF15, il y avait une portion VR aussi, mais quand j'ai eu ma copie d'FF15, je l'ai mis tout de suite, puis je voulais essayer la portion VR, mais c'est pas tout de suite. Donc, ça va être un contenu téléchargeable à venir, il n'y a pas de date. OK, fait que c'est un tout de suite plus tard. C'est un tout de suite plus tard. OK. Puis, ben, juste vous dire, dans les annonces un peu plus mineures, Lara Croft Go, qui était très, très bon d'ailleurs sur mobile, ça vient sur PS4 et Vita. Correct pour la PS4, on s'en fout un peu pour Vita. Mais d'un autre côté, ceux qui ont une Vita, ça va lui faire des jeux. Ouais, je sais. Je niaisais. Fait qu'avec des nouveaux niveaux, par rapport à Rapper qui fait un retour, whatever. Vous avez aussi Locoroco, Patapon qui s'en viennent aussi sur PS4. Fait que tu sais, il y a eu beaucoup d'annonces au niveau de Sony. Beaucoup, beaucoup de jeux intéressants. En tout cas, ça promet. Bon. Ça promet. C'est ça. Bon. Fait que un bon PlayStation Experience, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, là, en fait, il y en a qui étaient comme ben, ça a été plus intéressant que les Video Game Awards. Video Game Awards, ouais. Ben, moi, je ne l'ai pas vraiment suivi, là, j'ai juste vu j'ai regardé la liste, puis j'ai vu qu'Overwatch avait comme raflé une bonne partie des prix, là. Ouais. Ça me surprend qu'il ait raflé le meilleur jeu, là. Parce que c'est quand même assez, même si c'est très bon, c'est quand même assez limité. Tu sais, je veux dire, c'est un jeu multijoueur avec quelques cartes. En tout cas. Ben, moi, personnellement, c'est pas trop mon genre là, parce que c'est uniquement multijoueur. Ben, c'est ça, tu sais, fait que c'est ça. Mais c'est vraiment, moi, j'adore ça vraiment beaucoup, mais je trouve pas que c'est un jeu complet. Tu sais, je veux dire, c'est, en tout cas. Ouais. Reste avec ton VR. Je reste avec mon VR. Ouais, je l'ai vu en spécial l'autre jour, Overwatch, comme tombant spécial pour le Black Friday. Ouais. Justement, j'ai dit, l'achètes-tu pas? Je disais, finalement, c'est juste toujours en ligne. Je dis, puis je l'achète pas. Non, moi c'est aussi, bon, c'est bon, c'est très bon. Bon, ouais, mais j'aime pas être obligé de jouer en ligne. J'aime pouvoir avoir l'expérience de jeu solo, puis jouer en ligne si ça me tente. T'sais. C'est pour ça que Star Wars Battlefront, j'avais super hâte à ce jeu-là, c'était super le fun, mais si tu joues pas en ligne. C'est pas grand chose. Non. Non, ben c'est pour ça que je l'ai pas pris moi non plus. Même si je doute aucunement qu'il y a des très très bonnes qualités. Là, mais non. Ben c'est juste trippant comme Storm. Quand tu joues Stormtrooper ou tu joues Rebelle, courir à côté d'un ATAT. C'est impressionnant. Là, les graphismes sont beaux puis c'est hot à voir. Mais je veux dire, faut que tu joues en ligne. Si tu joues pas en ligne. Non, ben c'est ça. T'as des missions limitées puis c'est plate. Mais c'est ça. C'est plate. Ouais. Non, c'est pas si plate que ça. Là. C'est juste, non, c'était pas pire. Faut que tu joues en ligne. Puis... Ta montre est-tu plate? Non, mais ben, elle est assez mince, mais pas plate. Là. Mais je dirais, c'est pas pire. Non, oui, tu veux que je te parle de ma montre? Ben, je pense qu'on est rendu là. C'était un segway, c'était beau. Il est, oui, il est présentement 11h41. non, c'est ça. Fait que moto 360, génération 2. Une petite montre que j'avais gagnée sur le blog de monsieur Stéphane Vaillancourt, le technophile. C'est vraiment drôle parce que je participe jamais à des concours sur Internet parce que tu sais, quand à un moment donné, tu tombes dans une morale où ben, je gagne jamais, pourquoi je participerais? Ben, c'est parce que le grand, si tu participes pas, tu es sûr que tu gagneras pas. Donc, j'ai vu passer ça sur Twitter. À un moment donné, c'est comme dernière chance de participer. Je dis, hey, oh ouais, va pour le fun. T'sais, va mettre ton nom sur la liste. Et puis, j'ai gagné. Donc, c'est vraiment ça. C'était vraiment spécial. Donc, Moto 360, c'est une montre qui roule sous Android. Donc, c'est vraiment une montre qui est faite pour les téléphones Android, mais ça fonctionne aussi avec les téléphones iOS. La seule chose, c'est que tu n'as pas toutes les fonctions que tu peux avoir avec un téléphone Android. Moi, quand j'ai gagné la montre, j'avais un BlackBerry, donc j'étais encore plus dans le chenoute que ceux qui ont des téléphones iOS. Ça fait juste pas marcher. T'avais un BlackBerry, fait que c'est quoi? C'est une montre que t'as gagnée en 2002? Là, non. Okay. C'est ça. J'avais un téléphone fourni par la compagnie, puis on avait encore des BlackBerry jusqu'à pas si longtemps. Ils ont bougé vers Android dernièrement, mais on était encore avec BlackBerry. Tu sais, quand t'as des systèmes sécurisés, puis t'as pas tant, BlackBerry, c'était bien dans le temps. Donc, c'est ça. Donc, c'est à cause de la montre, il a fallu que je m'achète un téléphone Android. Non, c'est venu après. Mais c'est ça. Donc, ça prend... Ça, c'est vraiment qu'avec un téléphone Android, vous allez avoir plus de fonctionnalités. Avec un téléphone Apple, ça va fonctionner, mais c'est pas autant. La synergie n'est pas aussi bonne entre la montre et votre téléphone. Donc, c'est une montre qui peut se mettre à jour tout seul. Vous pouvez choisir de faire les mises à jour. La montre se connecte par Wi-Fi à travers le téléphone, en Bluetooth aussi. Et la montre fait plein de choses. C'est oui, elle donne l'heure, ce qui est pour une montre déjà popée, mais. Vous avez le choix d'avoir un cadran numérique, un cadran analogique, fait avec les petites papates, avec une trotteuse, sans trotteuse, elle peut vous mettre la date, pas la date, elle peut vous mettre la température. Il y a plein de choses, vous pouvez choisir le type de cadran que vous voulez. C'est vraiment intéressant. La couleur du cadran, c'est une montre intelligente, donc elle peut vérifier votre rythme cardiaque. Hein? Est-ce que je vis encore ou suis-je un zombie? Donc, vous pouvez aller dans le menu Moto Body. Puis, dans Moto Body, elle va regarder votre entraînement. Combien de pas, il y a un podomètre, combien de pas j'ai fait dans la journée. C'est pas totalement précis parce que si tu es pris dans le trafic avec ton auto et tu roules pas vite, puis ça peut être détecté comme une vitesse de marche, elle va te le rentrer. Fait qu'il y a des journées, je te pète des scores de marche, moi, puis j'y reste à mon bureau toute la journée. Mais ça, c'est pas précis. Mais des gens diraient que Pokémon Go, qui utilise le même genre de système pour savoir si tu marches, faire avancer ton œuf, est dans à peu près le même bateau. Donc, c'est pas spécifique à la montre ou c'est pas mal le GPS du téléphone qui détecte ça. Fait que le rythme cardiaque, l'activité physique, elle peut aussi contrôler ton... selon ce que j'ai lu, elle pourrait aussi voir ton sommeil et ces choses-là. Mais comme je dors pas avec ma montre, ben ça change rien. Il y a différents modèles, différents bracelets, différents prix aussi. Mais la montre peut vraiment faire à peu près n'importe quoi. Si vous recevez un appel, ben vous avez le choix. La montre va vibrer pour vous dire que vous avez un appel. Vous avez le choix de prendre ou de refuser l'appel. Donc, c'est sûr, si vous avez une oreillette ou vous êtes dans la voiture, votre téléphone est ailleurs, ben vous pouvez répondre avec la montre ou refuser l'appel avec la montre. Voir qui vous appelle aussi, ça va marquer le nom comme il apparaît sur votre téléphone. Vous écoutez de la musique, vous écoutez un livre audio, vous écoutez un podcast, vous pouvez de votre montre faire une pause, refaire play, voir c'est quoi le titre de la chanson ou le titre du podcast ou du livre audio que vous écoutez. Fait qu'il y a ça de bien aussi. Il y a vraiment plein de fonctions. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est aussi le fait que à tous les jours, je peux avoir une montre différente si je veux. Le corps de la montre et le bracelet restent le même, mais la façade, on peut la changer puis on peut la personnaliser. Donc, présentement, dans l'honneur de Rogue One qui s'en vient, ben la face de ma montre, c'est un Darth Vader. Pour quand c'est le Star Wars, le Réveil de la Force qui est venu, j'avais un BB-8. Si je vais sur un voyage de presse pour Sarroule Radio, ben je peux mettre le logo de Sarroule Radio sur ma montre. Quand j'ai passé un mois à l'hôpital quand mon gars était vraiment malade, ben la façade de ma montre, c'est une photo de mon gars que j'avais mis dessus. Fait qu'à chaque fois que je regardais ma montre, je voyais la face à mon gars. Puis c'est drôle parce que la trotteuse, le point où les aiguilles se place, ben c'était droit dessus le nez à mon gars, puis la trotteuse a tourné alentour. Fait que je disais à mon gars, regarde, ton nez tient mes aiguilles. C'était vraiment hot. Fait que tu peux resizer, tu peux avoir un cadran numérique, tu peux avoir un cadran avec des trotteuses. C'est vraiment intéressant. T'as plein de fonctions. Je veux dire, ça fait un bout de temps que je l'ai, puis j'ai pas encore joué avec toutes les fonctions. Je peux voir vu qu'il est connecté après mon téléphone, si j'ai un message sur Facebook, je peux le voir. Si j'ai un message texte, je peux le voir. Je peux voir un courriel qui rentre. Tu vois le début du courriel. Tu peux dire à la montre aussi, ben, rouvelez sur mon téléphone. Comme là, j'ai des notifications Twitter. Quelqu'un qui m'a suivi sur Twitter, ça marque telle personne vous suit. Puis tu peux scroller en haut, en bas pour avoir des messages différents, gauche à droite, pour dire, bon, mais ça, je veux plus voir ça, ces notifications-là. Ceux-là, je veux les voir. Tu peux modifier plein d'affaires. C'est vraiment, tu sais, c'est une montre intelligente, là. Tu peux même. La seule chose qui serait le fun, c'est que, tu sais, si. Tu pouvais mettre de la musique dedans directement. Tu as absolument besoin d'un téléphone pour interfacer avec. T'sais. Mais un coup que tu as ton téléphone rattaché avec, tu peux contrôler ton téléphone à distance avec ta montre pour certaines choses. Mais est-ce que si je l'avais pas gagné, est-ce que je m'en serais acheté une? C'est ça la grosse question. Et? La réponse, c'est non. Ah, bon. C'est pas parce que c'est pas le fun, c'est pas parce que c'est. Mais une montre intelligente comme ça, c'est 2, 3, 400 $. Est-ce que quand on est habitué de se traîner un téléphone dans nos poches partout puis qu'on a le téléphone dans nos mains, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je sais pas. Tu sais, si je mets l'alarme, je peux mettre l'alarme sur mon téléphone puis ma montre va vibrer quand l'alarme va sonner. Fait que si tu portes ta montre, ça va te réveiller parce que ta montre va vibrer. Aussitôt que t'as un appel qui rentre, ta montre va vibrer. Reçois un courriel, la montre va vibrer. Fait que tu le sais que t'as des notifications. Fait que oui, c'est super le fun, mais est-ce que ça vaut 300-400 d'avoir ça? Je sais pas. Si t'es vraiment... Tu sais, hyper connecté, puis t'aimes ça pas traîner ton téléphone sur toi, t'aimes ça laisser ton téléphone, je sais pas, dans ta poche de manteau, tout ça, puis juste avoir ta montre. Oui, des fois, je me promène au bureau, mon téléphone est resté à mon bureau, ben je peux voir quand même si je reçois un courriel, des choses comme ça. Ma montre va quand même me le dire, même si je suis quand même assez loin. Fait que ça fonctionne quand même très bien, là. Je peux être assez loin de mon téléphone, puis j'ai encore mes notifications. Mais est-ce que ça vaut ce prix-là? Quelqu'un qui adore la technologie, peut-être oui. Mais moi, une montre normale, tu sais, ça fait mon affaire, tu sais. Mais c'est sûr et certain que le fait de pouvoir changer le cadran quand tu veux, puis tu sais, c'est impressionnant, le monde regarde ça. « Hey, cool, ta montre, tu t'es acheté une montre Darth Vader. » Attends un peu. Donc, elle n'est plus Darth Vader. « Ah, c'est donc bien cool, tu sais. » Mais là, quand tu lui dis « Ouais, mais ça vaut 300$. »« Ah, ouais, tu sais, peut-être moins cool. Ah, » c'est moins cool. La batterie, est-ce qu'elle dure? Ça me dure ma journée sans problème. C'est sûr, plus... T'sais, si vous recevez 50 appels dans une journée puis la montre se met à vibrer, ben la batterie va se vider plus vite. Mais si vous recevez normalement 1, 2 appels, 3 appels dans la journée, quelques courriels, puis ça vibre pas tout le temps, ben c'est correct. Moi, je suis capable de partir le matin, elle est complètement chargée. Je reviens le soir, des fois, elle est à 60%, 50%. Ça dépend des journées, là. Puis ce qui est le fun, c'est un beau petit socle pour la charger. Fait que ça charge par induction. On n'a pas besoin de la brancher, rien. Fait que le soir... J'arrive, je l'enlève, je la mets sur son socle. Et puis là, quand on la met sur le socle, ce qui est le fun, c'est qu'elle tombe en mode dodo. Fait qu'elle se transforme en cadran. Fait qu'elle va te marquer, si, comme là, moi j'ai une trotteuse avec des aiguilles. Mais aussitôt que je la mets sur son socle, elle tombe comme un cadran. Fait qu'elle va digital, vraiment me marquer l'heure digitale. Okay. Puis vraiment dans le bon sens, tu sais, parce que normalement, quand tu portes ta montre, l'heure va être dans le sens, tu sais, du bracelet. Tu sais, va être. Oh, oui. Fait tandis que. Pas dans le sens contraire du bracelet. Tandis que quand je la mets sur le socle, elle va revirer l'heure de bord pour être dans le bon sens. Pour quand je la regarde, l'heure est affichée dans le bon sens. Puis quand elle porte, c'est dans le sens contraire. Fait qu'elle va vraiment assez quand elle est en charge, qu'elle devient un cadran, puis elle va montrer ça. Puis elle arrête de vibrer aussi, ce qui est merveilleux parce que la nuit, c'est comme bizarre. Puis des fois, je mets la montre sur le comptoir avant d'aller la charger, puis mon téléphone, je reçois un message. Puis là, sur le comptoir, ça fait « la montre, elle vibre sur le comptoir, puis ça vibre assez solide, tu sais. Mais c'est un super beau produit, là. Si vous cherchez une montre intelligente, puis vous avez un téléphone Android, je vous conseille fortement de regarder ce modèle-là. Moi, je l'adore. Mais de là à débourser 350$ ou 300$ pour une montre, j'aurais d'autres choses que je m'achèterais avant ça, tu sais. Mais est-ce que je suis content de l'avoir? Oui. C'est je suis vraiment heureux de l'avoir. C'est le fun, c'est un beau produit. T'as plusieurs avantages à avoir ça, mais est-ce que pour un usage normal, quelqu'un qui aime avoir une montre pour avoir l'heure, t'as pas vraiment besoin de ça. Tu peux avoir, comme je disais, je niaisais, une Casio, mais tu peux avoir une montre à à 12, ben 13, oui. 14, 15 piastres, 20 piastres, 50 piastres, et puis c'est quand même moins cher que ça. Mais ça reste un item assez unique. On n'est pas 15 au bureau à se promener avec des montres intelligentes, on est comme deux, tu sais. Moi, je l'ai gagné. L'autre, il l'a payé. Je le regarde, je fais, mais bon, mais c'est un bon produit. Mais comme je disais, tu sais, vous allez débourser un montant quand même assez considérable si, ouais. Si ouais, vous la voulez. Là, ça joue dans plus que 200$, là, dépendant du modèle. Il y a des plus, il y a une 42 mm, une 46 mm pour homme, puis une 42 mm pour femme. Les bracelets aussi différents de largeur, 20 mm ou 22 mm selon la grosseur du cadran. Puis les femmes, c'est un bracelet de 16 mm. Puis elle va s'ajuster aussi. Elle va s'ajuster selon l'éclairage ambiant. Fait que s'il fait vraiment sombre, elle va devenir un peu moins claire pour pas vous aveugler. S'il fait clair, elle va s'éclaircir pour vous donner plus de clarté, comme à l'extérieur, des choses comme ça. Comme je disais, elle va monitorer votre rythme cardiaque. Vous allez au gym, moi je m'entraîne avec, puis de temps en temps, quand je fais du cardio, je regarde, ah, je suis rendu à tant de battements secondes, tu sais. C'est pas hyper précis, mais ça fonctionne quand même, ça fonctionne quand même bien. Puis il y a le Bluetooth et le Wi-Fi. Fait qu'il va être le téléphone puis la montre vont se parler en Bluetooth quand ils sont assez proches, puis ils vont tomber sur le Wi-Fi s'ils sont un petit peu plus loin. Okay. T'sais, c'est un beau produit. C'est à savoir si c'est ce que vous voulez avoir là, t'sais, comme cadeau de Noël ou quelque chose comme ça. T'sais, il y a un micro dedans, il y a plein d'affaires. Là, t'sais, fait que vous pouvez comme parler à travers. Je m'en ai jamais servi pour parler à travers parce que tu peux parler, mais tu peux pas écouter. Elle jouera pas de musique. T'sais. Okay. Quand même. Là. Mais ça serait drôle d'aller au gym et ta montre qui blast de la musique pendant que tu fais ton jogging. Ça serait le fun pour toi, peut-être moins pour les autres. Là. C'est ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, faut faire attention right. pareil. Il faut faire attention à ne pas la mettre dans l'eau et des choses comme ça. C'est quand même un produit qui est t'sais, solide. C'est du Corning Glass. C'est quand même très très solide. Puis le processeur, c'est un Snapdragon. C'est pas un petit processeur poche, là, c'est quand même un bon processeur. Fait que c'est le fun, accéléromètre et tout, gyroscope. Il y a plein de gugus dedans. C'est un ordinateur à grosseur d'une montre. C'est juste que ça fait pas tout. Ça te prend un téléphone pour aller avec, parce que sinon t'es limité dans tes fonctions. Fait que c'est pas mal fini. Je donnerai pas de note parce que c'est une montre. C'est pas un jeu vidéo. Là, mais c'est un beau petit produit. Joe, tu veux-tu parler de... Ouais. Parce que là, on va s'en aller vers les jeux. Tu veux-tu parler de World ou tu veux Attown puis tu veux parler de Watch Dogs 2 avec moi? Qu'est-ce que tu vas faire, Joe? Je te laisse le choix. Ben, écoute, on n'a peut-être pas le temps de faire les deux, hein? Parce que... Ça... Ben, okay. C'est comme parce que j'ai parlé trop longtemps. Parce que je sais que tu voulais parler de World of Final Fantasy, mais ouais. Bon, tu nous avais dit... Ben, écoute, je vais parler de Watch Dogs avec toi. Okay. Je garderai mon... Parce que le World, je ne l'ai pas fini. J'ai joué à peu près une quinzaine d'heures. Fait que si je peux encore continuer pour encore approfondir la critique. Fait que finalement, tu vas faire avec Final Fantasy comme tu as fait avec ton jeu du Sonic Fire and Ice. Là. Tu vas nous gosser avec ça pendant 3 semaines jusqu'à temps qu'on dise « OK, parle-en ». Oui. OK, c'est bon. Non, on va... Non, parce que World of Final Fantasy, ça m'intéresse quand même. Oui, bon. C'est excellent. C'est excellent. À date, là, c'est excellent. Écoute, bon, ça c'est un téléphone qui est en train de sonner en l'air de moi, regardez. Ben ouais, c'est merveilleux. Ben écoute, ça oui, ça met de la petite musique. Ben oui, je pensais que c'est ta blonde qui jouait du xylophone en arrière de toi, mettre de l'ambiance. Non, ça okay. C'est son téléphone qui sonne. Ok, c'est bon. Puis le problème, c'est que je peux comme pas aller l'arrêter. Fait que, il a arrêté tout seul, là. C'est beau, fait que la petite musique est finie. Ça mettait du rythme, avouez. Ouais, c'était cool. Ok, ben c'est correct parce que c'est ça, World of Final Fantasy, ben on le fera la semaine prochaine. Ok, on fait la semaine prochaine. Fait que on fera ça la semaine prochaine. J'y ai vraiment pas joué, mais il m'intéresse beaucoup. Oui, on va parler d'un jeu de chiens, pas de chiens, mais avec des chiens. Ok. C'est ça. Oui. Juste m'avait dit que tu y avais joué, mais tu avais quand même joué, mais pas peut-être pas aussi longtemps que moi. J'ai peut-être joué un 6-7 heures. OK. Ben en fait, oui, on va parler de Watch Dogs 2. Je tiens à dire quelque chose. Comme j'ai dit dans ma critique écrite, quand j'ai commencé ce jeu-là, elle l'aimait pas. Mais comme vraiment pas. OK. Non, je le détestais. J'étais comme, aïe, aïe, il y a plein de problèmes. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas où aller. Je l'aimais vraiment pas, mais c'est un jeu que j'ai appris à aimer à force d'y jouer. Fait que c'est pas que des fois, quand tu commences un jeu, ben reste pas sur ton impression des 30 premières minutes. Ouais, c'est comme une série, tu sais, une série télévisée. Des fois, le monde fait « Ah, j'ai écouté le premier épisode, c'est pas bon. » Ouais, mais continue un petit peu. Ouais, non, mais c'est ça. Exact. Fait que, dans le fond, au niveau de l'ambiance, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais sûrement, parce que je te donne pas le choix. Okay. C'est beaucoup moins noir que le premier Watch Dogs. Oui, ben oui, le premier, c'était une histoire de, tu sais, c'était sa nièce s'était fait enlever ou tuer, je pense, puis tu sais, ouais, là, c'est pas ouais. C'est plus ça, là, c'est pas ça, là. C'est plus une petite gang de hackers top cool. Ouais, ben ça, j'avoue, honnêtement, puis tu sais, c'est vraiment un avis personnel, là. Moi, j'ai plus aimé l'ambiance du premier que du deuxième. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste qu'à un moment donné, t'es trop dans le yo, full chill, cool, ouais. Man, là, ouais, yo, yo. Ouais. Puis le premier en plus, je sais pas pourquoi, là, mais t'écoutes toutes les critiques du premier, là, et tout le monde parle du Ah, mais il n'y avait pas d'âme, Eden Pierce, je pense qu'il s'appelait, ouais. Ah, ben tu sais, il n'y avait pas d'âme, il était comme froid, il était. Mais c'est ça que tout le monde dit partout, là. Puis je comprends pas. Je veux dire, tu joues à Halo, Master Chief, il n'y a pas beaucoup de charisme lui non plus, là. Non, mais tu sais, c'est comme l'autre, c'est « Ah, ben, il n'y a pas de charisme. » Oui, mais tu contrôles toi-même ton bonhomme pendant 40 heures. C'est « Donne-dien du charisme. » Tu sais, développer ton personnage, tu sais. Je veux dire, je comprends pas. Puis c'était ça la critique de partout. Puis moi, il était cool le premier, là. Il n'y a pas de charisme. C'est beau. Moi, j'aimais bien le personnage de Aiden Pierce. Oui, c'était noir, là, tu sais. Sa nièce a enlevé, puis là, c'est ça, fallait que... Tu finalement t'exploites tes capacités de piratage, puis bon, t'infiltres des sociétés puis tout, mais c'était très sombre. Il y avait un passage notamment au cimetière. Je pense que c'est ça. Je pense qu'elle se fait tuer, sa nièce. Oui, je pense, il me semble que c'est ça. Oui. Mais il y avait des passages très, très noirs, mais j'aimais ça. Dans le deuxième, c'est ça, tu sais, c'est des jeunes pirates, c'est très cool, yo, man. On dirait que l'histoire prend une place beaucoup plus secondaire. Dans le fond, t'incarnes Marcus Holloway, qui est un jeune pirate informatique. Et toi, ton but, c'est de mettre un... Ben, en fait, d'infiltrer les activités de la société Bloom, qui est en charge de ben du réseautage, finalement, de l'énorme système qui est CTOS. Donc, CTOS, c'était déjà dans le premier Watch Dogs. Puis bon, malgré ce qui s'est passé dans le premier jeu, ça a l'air que ça a survécu. C'est 2.0 maintenant. Oui, c'est ça, c'est le 2.0. Donc, mais c'est ça, c'est une ville, dans le fond, ça se passe à San Francisco, ouais. Watch Dogs 2, et la ville est toujours aussi connectée, et moi, je trouve ça intéressant, Watch Dogs, parce que au-delà de l'histoire, c'est une critique sociale. C'est aussi une réflexion par rapport au fait que les informations que tu mets, que ce soit sur ton téléphone, sur ton profil de réseau social, où s'en vont tes informations? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces informations-là? Qui y a accès? Donc, la réflexion est intéressante dans un monde qui devient de plus en plus connecté à chaque jour. Mm-hmm. Fait que ça, je trouve ça intéressant comme point de vue. Ce que, tu sais, c'est ça, ce qui m'a un peu plus tapé ses nerfs, puis je sais pas ce que t'en penses, Joe, mais c'est ça, c'est vraiment yo, full chill. Même l'antagoniste du jeu, qui est la tête dirigeante de Bloom, tu sais, c'est un peu caricatural. Ouais. Moi, j'y ai joué parce que j'ai pas changé la langue de mon Xbox, là, mais en français. Je sais pas si tu as joué en français, là. Oui. Mais tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, ils vont avec le verlan, puis ils vont avec, tu sais, vraiment, c'est pas du français international, tu sais. Non. Ça m'énerve un peu. Tu sais, c'est pas le français que tu entends dans les films, là. C'est vraiment le yo, tu sais. Puis, c'est ça, là, beaucoup de verlan, puis ça m'énerve alors un peu. Alors, tu kiffes. Ouais, c'est ça, tu sais. Je sais pas, là, mais... C'est ça, ça m'énerve. Puis, tu sais, à chaque fois... j'ai hâte qu'ils fassent des jeux qu'on peut changer la langue dans le jeu. Ça m'énerve, ça aussi. Tu sais, ça me tente pas de mettre ma console en anglais au complet juste parce que je veux jouer en anglais. Mais il y a, certains jeux qui offrent ça, mais il n'y en a pas assez. Mais c'est ça, à chaque fois, il faut que tu reviennes ta console en anglais. Là, tu redémarres, puis après ça, tu n'es plus habitué. Puis là, tu fais, ah, je vais le laisser en français. Fait que tout le long, il t'énerve. Ah oui, non, puis je vous le dis, là, si vous n'aimez pas les traductions françaises, là, dans Watch Dogs 2, ça peut gâcher l'expérience. Oui, vraiment, là, c'est ça, c'est parce que, comme tu dis, c'est pas du français international, c'est... Non. Il y a des expressions qui tapent sur les nerfs. Les doublages français non plus sont pas nécessairement les meilleurs là, qu'on a vus, ou plutôt qu'on a entendu. Fait que oui, la traduction m'a un peu tapé ses nerfs. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé dans Watch Dogs 2 toutes les parodies, tous les clins d'œil à la culture geek. Oui. Noodle. Oui, il y en a tellement qui passent là, dans ce jeu-là. Il y a Anonymous, qui est clairement... Ben oui, c'est, je veux dire, tu le vois, là. Oui, ben, c'est ça, parce que toi, tu fais partie de l'organisation pirate DeadSec, et c'est ça, c'est clairement un gros clin d'œil à Anonymous. Même quand tu arrives à infiltrer certains systèmes et tout, ben, il y a une vidéo qui part, puis... Ça a vraiment de l'air d'Anonymous, là, tu sais, c'est un gars cagoulé, pis tout, pis, tu sais, les mêmes genres de critiques sociales qu'Anonymous fait, c'est là, fait que ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a une mission secondaire, pis c'est pas un spoiler ou un divulgacher en français. Tu dois infiltrer les bureaux de Ubisoft à San Francisco. C'est là que je suis rendu. C'est là que t'es rendu. Oui, j'ai arrêté, je veux la faire parce que ça a l'air qu'il y a un trailer, ben une bande-annonce d'un jeu caché à quelque part là-dedans. C'est vrai. Que je sais pas, là. Je te le confirme. Ah ouais, tu l'as vu? Oui, oui, okay. Je l'ai fait, cette mission-là. C'est tellement drôle, là, puis t'as Knight Rider aussi. Oui, oui, ben oui, tu vois l'auto qui est clairement kit de Knight Rider, là, tu sais. Oui. T'as Star Wars, il passe aussi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi comme clin d'œil? Ah, une de mes missions secondaires préférées. À un moment donné, il y a un troll, OK? Puis il nuit aux activités de DeadSec. Et là, il faut que tu cibles c'est qui le troll. Puis là, t'infiltres les systèmes et tout. Et là, tu le trouves, le troll. Puis c'est vraiment une grosse parodie, là. T'sais, le troll est vraiment l'image qu'on se fait du troll, là. Je vous le décrirai pas physiquement, là, mais je pense que vous pouvez savoir c'est quoi. Là. Et t'envoies le SWAT à un moment donné. Tu pirates ses systèmes pour finalement envoyer le SWAT. OK. Et quand le SWAT débarque, là, en tout cas, j'ai beaucoup ri dans cette émission-là. C'est très drôle. Donc, mais c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de clins d'œil. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Dans la plupart des missions, là, il y a des références à la culture geek. Au niveau du style de jeu, ben ça change pas tant que ça du premier. Moi ce que j'ai aimé style de jeu, je trouve que c'est beaucoup plus facile de pirater. Je trouve que le piratage se fait quand même vite. Tu sais, t'es facilement connecté sur, mettons, tu roules en auto, il va, tu peux facilement viser une lumière, un trou d'homme. Tu sais, je trouve que ça se fait, peut-être parce que ça faisait longtemps que j'avais joué au premier, là, mais je trouve que ça se faisait mieux. Puis je trouve qu'ils ont rajouté beaucoup de nouveaux piratages intéressants. Tu sais, moi, pirater des autos sur une autoroute, je trouve ça super, là. Quand je me sauve de la police, tu sais, je pirate les autos en avant de moi pour les faire virer à droite. Tu sais, je me crée un chemin. Ça, c'était le fun. Ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun, là. Oui, ça, c'est le fun. C'est, dans le fond, parce que tu peux développer les capacités de Marcus, puis à un moment donné, tu peux pirater des autos, puis vraiment prendre le contrôle de l'auto. Fait que même si t'es poursuivi, tu peux envoyer l'auto qui te poursuit dans le champ. Puis là, il capote, là, le conducteur. Là. J'imagine. Mais comment est-ce que tu peux pirater un trou d'homme? C'est parce que c'est un canal, c'est un morceau de métal. C'est vrai. Admettons, c'est plus une conduite d'eau que tu pirates dans la rue pour la faire exploser. Okay. Ouais. Que ça te permet de bloquer les autos qui te poursuivent. Là. Mais il faut bien que tu vises, parce qu'une couple de fois, je me suis explosé. Ouais, puis ça c'était un affaire qui m'a un peu... Puis c'était la même chose dans le premier Watch Dogs, c'est que oui, tu sais, au niveau du piratage, c'est assez facile, là, je veux dire. Puis c'est pas, je pense que c'est voulu de la part d'Ubisoft, là. Tu sais, tu rentres pas dans les systèmes nécessairement pour effectuer des connexions puis tout. T'en as, là, tu peux pirater des pare-feux puis tout, mais ça se fait de façon assez automatique. Puis je pense que c'est voulu, tu sais, puis c'est correct. Oui. Oh, c'est oui. Pas comme dans True Sex, par exemple, où tu rentres vraiment dans le système puis mais il y a une difficulté au niveau de bien viser certains ouais. éléments. Ça, c'est un peu fatigant parce que, dans le fond, le jeu cible automatiquement pour toi en fonction de ta position. Donc, tu sais, par exemple, tu vas regarder à droite, ben il va cibler le premier élément qu'il voit, finalement. Mais c'est un peu difficile de cibler des éléments en particulier dans le jeu. Puis ça, c'était déjà dans le premier Watch Dogs, fait qu'on a comme pas réglé ça. Il y a les drones. Ouais, ça, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est intéressant, jusqu'à une limite. Moi, ouais, je trouve qu'ils en mettent. Tu sais, on dirait qu'on bon, on va mettre des drones. Là, à chaque mission, tu peux. Tu sais, on dirait qu'ils t'obligent à prendre le petit auto téléguidé. Ou, tu sais, ça m'énerve un peu. Là. Ils te mettent une nouveauté, mais t'es comme. Tu sais, je trippe pas trop sur le drone de la voiture téléguidée. Là. Puis des fois, t'as comme pas le choix de la prendre. Tu sais, fait que ça. Oh. Ouais, mais c'est ça. C'est parce que j'ai trouvé que ça facilitait un peu trop le jeu. Les drones, à mesure que vous les améliorez, ils deviennent surpuissants. C'est fou, là, tu sais, au point où, justement, tu peux laisser Marcus en dehors de zone sécurisée, puis vraiment y aller avec tes drones, mais ça fait en sorte que tu peux tout pirater à une bonne distance, puis ça tue un peu le défi du jeu, parce que tes drones deviennent tellement puissants, tu laisses tellement de possibilités que, finalement, ben ça rend les missions redondantes. D'ailleurs, le jeu en lui-même est redondant. Là. Ouais, ben, c'est comme le premier. Là. C'est toujours un peu le même type de mission. Là. Mais si tu t'y attends, c'est correct. Là. Ouais, c'est correct. Il y a beaucoup d'éléments, by the way, dans le jeu. Là. C'est quand même un jeu qui est très fourni. Tu as beaucoup de missions, tu as beaucoup de trucs que tu peux pirater, tu as beaucoup de points de recherche pour. Dans le fond, ça fait un peu office de casse-tête dans le jeu, puis c'est intéressant parce que justement, ça, tu sais, profite du piratage, puis d'éléments de plateforme aussi. Mm-hmm. Moi, je les ai trouvés très, très intéressants. Tu sais, je dis pas qu'ils sont excessivement complexes, mais je sais pas, j'ai aimé la façon dont le monde de San Francisco est bâti, parce que justement, ça te laisse la place à l'utilisation de tes drones, des capacités de Marcus aussi, pour finalement à récolter un peu tout là dans l'univers. Qu'est-ce que j'ai... Il y a beaucoup de bugs. Ah ouais? Ah, moi j'en ai eu. Okay. J'en ai pas qu'à peu près. Ah ouais, j'étais pas... pas tant, mais je m'en souviens pas d'un bug que j'ai eu. Ben, j'ai eu beaucoup de bugs au niveau collision, au niveau de la précision des sauts. Ça, j'en ai beaucoup eu. Faut dire en affaire, tu peux pas sauter toi-même. Les sauts sont automatiques, là. Puis moi, je suis tombé plus qu'une fois. Ah, OK. J'ai cassé la face à Marcus plus qu'une fois. ouais, j'ai eu beaucoup de bugs comme ça, notamment parce que pour atteindre certaines hauteurs, tu peux pirater des chars élévateurs. Puis des bouts, là, je sais pas, j'avais de la misère à bien accoter la plateforme. Puis Marcus souvent tombait comme dans le vide, là, laissé. OK, entre les deux, OK. Paf, je tombais vraiment dans le vide. Fait que j'ai eu aussi beaucoup de bugs de collision dans l'eau, justement pour pour remonter sur des plateformes. Juste vous dire aussi, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Joe, il y a certaines activités qui sont juste plates, là, notamment les courses. Ouais, j'ai fait. J'en ai fait en kart aussi, là. Ouais. C'est correct, là. Mais les kart, moi, je vais pas triper. Non, c'est ça, c'est correct, là. Je trouve, par contre, que au niveau de la conduite, je trouvais que le premier Watch Dogs était plus difficile à conduire. On dirait que c'était la première fois que Ubisoft faisait un jeu, tu sais, vraiment, où tu conduisais des autos dans un monde ouvert, puis tout le monde le comparait à GTA, puis GTA était vraiment mieux pour la conduite. Puis on dirait qu'entre les deux, ils ont sorti The Crew, puis tu sais, ils sont peut-être fait la main un peu. Je trouve que la conduite est mieux. Elle n'est pas parfaite. Je trouve que les autos, je sais pas, je trouve que les autos réagissent vite, puis... Mais, ouais, c'est ça, mais quand même, je trouve qu'il y a vraiment une bonne amélioration, parce que moi, dans le premier, j'essayais de prendre le moins possible des autos, tu sais, parce que ça m'énervait. Puis là, dans celle-là, ben, je trouve que la conduite est vraiment, vraiment plus intéressante. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Ça demande une conduite arcade, là. Oui, oui, oui, oui. Mais oui, plus précise, oui, ça vire sec. Là. Oui, ça vire sec, des fois, oui. Ouais. Il y a encore place à l'amélioration, mais oui, ils sont améliorés beaucoup. Oui, je suis d'accord avec toi. Vous allez voir, particulièrement avec les motos. Les motos, là, ils virent sec en maudit. Là. Je vais dire un autre mot, là, mais ils virent sec. Mais oui, je suis d'accord que la conduite a été améliorée. C'est juste que les activités, je sais pas pourquoi, quand il y a des mondes ouverts, on dirait que ouais, il faut mettre des courses. Je sais pas si. Hein? Ouais, c'est vrai. Je sais pas là, mais c'est comme pour montrer que le monde est ouvert, fait que là, c'est plus étendu, fait qu'on va mettre des courses. Moi, les courses, il y en a une là, qui m'a tellement fait rager. Il y a une course de difficulté difficile. Il y a des tournants là, assez prononcés, merci. Là. J'ai réussi là, finalement là, à avoir la première place et tout, là. Mais j'ai failli lancer ma manette. Là. C'est l'intelligence artificielle a tendance à jouer. Très vicieusement dans les courses. D'ailleurs, parlant d'intelligence artificielle, ben oh c'est ça. Oh non, non, non. Non, non, ça, là, par exemple, là, elle fait dur. Sérieux, là. Puis, tu sais, je sais pas, tu sais, d'habitude, je remarque pas dans les jeux ces affaires-là, mais c'est pas nécessairement l'intelligence artificielle plus que. Tu sais, à un moment donné, tu pirates, pas tu pirates, mais tu t'infiltres dans Noodle, qui est Google, tu sais. Ouais. Je trouve ça bizarre. Non, non, c'était moi, celle qui m'a frappé, c'était plus dans un truc de cinéma. C'était un film dans un genre de studio de cinéma. Tu sais, tu rentres là, puis ils te voient, puis tout de suite, les gardes, let's go, ça tire dessus comme des malades. OK, réalistiquement parlant, là, si je vais dans un studio Mels, puis quelqu'un me voit rentrer, il n'y a pas 12 personnes qui vont me tirer dessus. Il y a quelqu'un qui va venir me parler. Là. Sûrement dire, qu'est-ce que tu fais là? comme, let's go, t'appelles la police. Fais, wow, wow, on se calme. Là. Je suis peut-être le concierge qui a oublié sa carte. Là. Je sais. Puis là, c'est ça. Mais moi, bien souvent, les missions, j'ai fait comme un fou dans le sens que je rentre, je me fais voir par tout le monde, je suis une couple de personnes, puis là, je me cache. Puis là, il me voit plus. Puis, et puis là, après ça, je continue. Puis quand que j'ai fini ma mission, ben, je cours, puis je sors comme un malade, puis je me sauve. Puis des fois, je suis caché en arrière d'un gars, puis non, il ne me voit pas. Je sais pas, je trouve que l'intelligence est moyenne. Hein. Non, elle est très, très moyenne. En fait, elle est carrément très faible là, par endroit. C'est un jeu qui est conçu pour être joué furtif. Marcus n'a pas beaucoup de vie. C'est un jeu qui est conçu pour être furtif, notamment avec les drones. Là. Donc, c'est un jeu qui est conçu pour ça, mais c'est tellement facile d'utiliser tout le temps les mêmes tactiques. Tu sais, t'as juste à faire vibrer leur téléphone là, aux ennemis. Là. Puis là, tout d'un coup, peu importe le bruit que tu vas faire, peu importe comment tu vas t'approcher d'eux autres, toute l'attention est sur le cellulaire. Ils t'entendront pas, ils te verront pas. Fait que, tu sais, ça, c'est un peu dommage. J'ai beaucoup aimé, par exemple, faire péter les ennemis, là. Tu sais, tu peux activer des grenades. Je pensais que tu lui servais un plat de bine. Ben, c'est pour ça que j'ai cru préciser. Certains portent des grenades. Pas certain. OK. C'est bon. Non, mais tu sais, tout est possible, là. Non, on va pas quand même pas jusque-là là, dans Watch Dogs. Pirater le système digestif, ça serait hot, pareil. C'est ça, il y en a qui portent des grenades ou tout, puis tu peux activer les grenades à distance, puis là, des fois, il y a des ennemis qui sont comme « OK, qu'est-ce qui se passe? » Puis là t'en as deux, trois qui explosent en même temps. C'est ça, tu utilises pas mal tout le temps les mêmes tactiques au niveau de l'intelligence artificielle. Moi, je sais pas combien de fois, il y a des ennemis qui me voyaient, là, puis qui me tiraient dessus. Puis là, je piratais le téléphone. Puis là, tout de suite, c'est drôle comme texto. On s'entend, il était en train de me tirer dessus, là. Ah ouais, je fonçais dessus, puis je l'éliminais. Fait que, tu sais, il y a un travail à faire à ce niveau-là. T'as-tu pu jouer en multijoueur? Moi, je joue pas plus. Non, mais j'ai eu des gens qui sont venus dans ma partie. OK. Ah, tu l'as pas fait? Ok, moi j'ai deux fois. Que, à un moment donné, tu sais, tu joues, puis là, tu fais OK, il y a quelqu'un qui est en train d'être piraté, puis là, tu rentres en mode multijoueur. Puis là, il t'affiche une espèce de rond rouge, une espèce de zone, si tu veux, puis il y a quelqu'un qui te pirate. Puis là, tu vois le temps qui avance, puis toi, le but, c'est d'essayer de le trouver, puis de le tuer. Ça, je n'ai fait deux. pas mal similaire au. Ouais, c'est premier. Pareil, mais en tout cas, moi, le bout que j'ai fait, c'était pareil comme le premier. Là. Donc, tu essaies de le trouver. Là, puis, c'est quand même cool. C'est juste que je trouvais que ça. Je m'y attendais pas. Tu sais, j'étais en train de jouer, puis il dit pas genre. En tout cas, il me l'a pas demandé. Est-ce que tu veux vraiment jouer à multijoueur, là? Ouais. Fait que là, j'étais en train de jouer, j'étais dans ma mission, puis à un moment donné, OK, il y a quelqu'un. Tu sais, j'étais pas dans une mission, dans un genre, dans une bâtisse, là, mais tu sais, je m'en allais vers quelque chose. Je faisais. Puis le gars, il arrive. Bon, OK, on va faire la petite mission multijoueur, là. C'était correct. Tu peux le désactiver, là, by the way, tu peux désactiver ça. Je sais aussi que des joueurs peuvent te venir en aide, mais c'est pas que j'ai pas voulu l'essayer, c'est que je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, les serveurs d'Ubisoft étaient plantés. Ah, OK. Fait que c'est pour ça que j'ai pas pu l'essayer, fait que je peux pas vraiment en parler. Mais tout ça pour dire que j'ai bien aimé, finalement. En bout de ligne, là, malgré plusieurs problèmes, j'ai bien aimé Watch Dogs 2. C'est un jeu qui est le fun. Je trouve que c'est des problèmes. Tu sais, c'est des problèmes de jeu à monde ouvert. Là. Tu sais, c'est pas des affaires qu'on a jamais vues ailleurs dans d'autres mondes ouverts. Là. Non. Puis moi, j'avais vraiment aimé le premier. Puis j'aime celui-là. Là. J'ai pas eu le temps d'y jouer bien plus que 6-7 heures. Là. Mais je vais le continuer. Là. C'est juste parce que j'ai eu d'autres jeux. Là. Mais non, moi, j'aime bien ça. Puis j'aime aussi la nouvelle vision un peu pas tactique. Là. Mais tu sais, t'appuies sur le bouton et tu vois tout comme en gris. Fait que là, ouais. Tu finis par voir les fils, tu finis qu'est-ce que tu peux pirater, les caméras, tout ça. Ça, j'aime bien ça. Là. Ça m'aide beaucoup dans mes stratégies. Là. Mais ça ressemble aussi, vous avez aimé le premier, c'est pareil, avec des améliorations. Là. Avec une ambiance yo. Oui, une ambiance yo. Puis, parce que le premier, sans l'air, il n'y avait pas de charisme. Je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Il n'y avait pas de charisme. Il n'y avait pas assez de yo. Non, mais tu sais, Link, dans Zelda, là, il n'y a pas de charisme. Il parle pas. Tu sais, je veux dire. Fait que, tu sais, je veux dire, en tout cas. Ben, Mario est un personnage plein de charisme. Ah oui, il fait youhou! It's a me, Mario! Non, mais je suis d'accord. Puis, mais tu sais, c'est ça. C'est une mise à jour un peu 2016 du premier Watch Dogs. C'est avec des selfies. Maintenant, il y a des selfies. Il y a l'imprimante 3D. Puis, en bout de ligne, là, ta quête, là, c'est d'acquérir le plus de followers, donc d'abonnés à DeadSec. Ouais. Ouais. Fait que c'est comme ça que. En fait, c'est ça la récompense de tes missions puis de ce que tu vas faire. Fait que c'est une mise à jour au niveau justement de ce qui est devenu le monde technologique de 2016 par rapport au premier Watch Dogs. Mais comme je dis, j'aimais vraiment pas ça au début. Je trouvais qu'il y avait plein de problèmes. Mais en bout de ligne, c'est un jeu que j'ai bien apprécié. Toi, t'es-tu prêt à lui donner une note? Moi, oui, là, mais. Non, donne-lui. Moi, j'ai pas assez de mon côté. À date, je le trouve très bon. Là. Tu sais, ça s'enligne pour peut-être un 8 sur 10, là, mais ça serait pas. Je vais te laisser. Je vais te laisser. Ben, c'est ma note. Ah, et voilà, calme. C'est ça. C'est un 8 sur 10. Comme je dis, je pense que c'est un jeu qu'il y en a qui vont détester. Il y en a d'autres qui vont beaucoup aimer. Moi, je suis allé un petit peu dans le milieu, un petit peu milieu haut, parce que finalement, j'ai eu beaucoup de fun. Puis, c'est ça. C'est un jeu qui m'a bien surpris en bout de ligne, en ayant aimé le premier. Fait que voilà. Ben voilà. C'est fait. Ça fait pas mal de tôt, hein? Yes. Avant qu'on se quitte. Monsieur Luc, ouais. Qui est muet depuis une vingtaine de minutes. Mais c'est parce que je joue pas, j'ai pas joué à Watch Dogs. C'est ce que je te dis. Bonne raison. Ouais. Ben, ok, je donne un 8.5 sur 10. Ok, ben, cool. Bon, ouais, bonne note. Ben, j'avais déjà entendu dire qu'il y avait des critiques de jeux vidéo qui jouaient même pas au jeu, qui donnaient des notes. Fait que 8.5. Ouais, ben, en tout cas, je vais me retenir là-dessus. Luc, où peut-on te retrouver sur les internets? Sur Twitter, Escalazormo. J'anime aussi une émission qui s'appelle Ça roule radio avec mon ami et collègue Marc Bouchard. Donc, c'est Ça roule radio sur Twitter aussi. Ça roule radio, le site internet. Et puis, je pense que ça fait pas mal le tour là, de ce que je fais autre que venir pas jaser ou jaser ici. Là. C'est ça. C'est ça. Ouais, suivant next. Joe! Hein? Astroboy underscore 3000 sur Twitter ou Jonathan Turcot sur Facebook. T'es sûr que c'est le bon que tu donnes sur Twitter? Non. Ouais. Je suis sûr, mais arrête, parce que là, il y a un underscore, il va quelque part. Trouvez-le. Et voilà. c'est comme quelqu'un qui fait tirer un code pour un jeu sur Xbox ou sur PlayStation qui dit « Il manque une lettre, trouve-la. » Ah, c'est ça. Il y a 26 possibilités. Ouais. Puis toi, Adam? Moi, de mon côté, Twitter, AdracoADG, Facebook, mon vrai nom, Daniel Carosella. Vous pouvez aussi me retrouver sur affairesdegars.com dans la section techno, jeux vidéo. Beaucoup de tests de jeux à venir et beaucoup qui ont déjà été faits, dont ma critique écrite de Watch Dogs, qui reprend pas mal les mêmes arguments. Je suis assez conséquent dans la vie, là. Fait que c'est pas mal la même chose que vous avez retrouvé, mais de façon écrite. Au niveau de la réalité augmentée, sachez qu'on a une page Facebook. Oui. Sur laquelle on répond. Selon Facebook, on est très réactif. Ouais. Dans l'heure. Ouais. Ouais. On a aussi un compte Twitter à Réalité Hug. Ouais. On a une adresse courriel que oui, podcast à réalitéhug.com. Ouais, on est aussi nos shows se retrouvent sur réalitéhug.com. Ouais. Google Play, iTunes. Google Play, iTunes, on est diffusé sur plusieurs plateformes, dont Radio H2O, et je fais un petit clin d'œil à un show que notre ami JB anime avec Jerry Godbout qui s'appelle La POC. Ouais. Ils sont censés enregistrer un nouveau show, là, d'ailleurs, très prochainement, qui parle du monde du hockey, plus spécifiquement du monde du Canadien de Montréal. Donc voilà, c'est un bon podcast si jamais vous voulez entendre JB ailleurs. Donc voilà. Merci Luc, merci Joe. Merci Daniel. Ben ça me fait un grand plaisir. et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dans une prochaine fois, dans une prochaine réalité augmentée. Bye! Bye! Bye bye!